Le Stercoraire de Hans Christian Andersen. Le cheval favori de l'empereur allait recevoir des fers où il ne devait pas entrer de fer, mais rien que de l'or pur. Pourquoi cela ? C'était une magnifique bête. Il avait les jambes les plus fines, de grands yeux doux et intelligents, une belle crinière qui descendait presque à terre. Il avait porté son maître à travers la pluie des balles et les nuages de la poudre. Il avait, sans prendre peur, entendu ronfler les boulets. Au moment où les ennemis allaient faire l'empereur prisonnier, il avait rué, et d'un bond prodigieux, il avait distancé les chevaux de l'ennemi et sauvé la vie de son maître. Cela valait bien alors qu'on allait lui mettre au pied. Le Stercoraire, qui avait son domicile dans l'écurie impériale, s'avança. « D'abord les grands, ensuite les petits, » dit-il. « Ce n'est pas ce qu'il y a de plus juste, mais enfin c'est l'usage du monde. » Et lorsqu'on eut fini avec le cheval, il tendit ses maigres pattes. « Que veux-tu donc ? » demanda le maréchal Ferrand. « Des fers en or, » répondit-il. « Comment ? » dit le maréchal. « Tu n'as pas ton bon sens, je crois. »« Des fers en or, te dis-je, » répliqua le scarabée. « Est-ce que je ne vaux pas ce grand animal qui a besoin d'être étrié et brossé à tour de bras pour briller, tandis que moi, tout naturellement, je jette le plus bel éclat ? Du reste, est-ce que je ne fais pas partie comme lui des écuries de l'empereur ? Mais, pauvre fou, tu ne sais donc pas pourquoi ce cheval a mérité l'honneur d'avoir des fers en or ? Ce que je sais, c'est qu'on veut m'insulter. Puisqu'il en est ainsi, je quitte le service de l'empereur et je m'en vais courir le monde. « Bon voyage !» dit le maréchal. « Manant, malotru !» s'écria le Stercoraire, et déployant ses ailes, il s'envola par la fenêtre. Il s'arrêta dans un beau jardin, tout rempli de parfums de roses et d'œillets. « Quel endroit merveilleux, n'est-il pas vrai ?» lui dit une petite Catherinette qui était occupée à bien replier ses jolies ailes rouges à points noirs. « Quelle belle couleur ont ces fleurs, et comme elles sentent bon !»« Je suis habitué à mieux, » dit le Stercoraire. « Vous appelez cela un bel endroit, et vous n'avez même pas le moindre tas de fumier. » Il s'en alla et gagna l'ombre d'une grande giroflée, où se prélassait une jeune chenille. « Que le monde est donc magnifique !» dit-elle. « Le soleil est chaud comme le jour où il me fit éclore. Tout a un air de fête. Mais ce n'est encore rien. Un jour je m'endormirai et je me réveillerai joli papillon, et je m'élancerai dans les airs. »« Qu'est-ce que tu imagines là ? » dit le Stercoraire. « Toi qui te traînes avec peine, tu penses devenir papillon et pouvoir voler. Chez moi, dans l'écurie impériale, personne, pas même le cheval favori de Sa Majesté, qui porte mes vieux souliers en or, ne se met dans la tête qu'il pourrait un jour avoir des ailes. On en a de naissance comme moi, mais il ne vous en pousse pas. Allons donc, toi, voler, jamais. Je vais te montrer ce que c'est que voler, ce qu'il faut pour cela de grâce et d'agilité. » Il ouvrit ses ailes et s'en fut plus loin de son vol lourd et bruyant. Il alla se poser sur une grande pelouse. Il se blottit dans le gazon et, après avoir bien pesté contre la sottise des animaux, il finit par s'endormir. Un orage s'amoncela et il commença à tomber une pluie terrible. Le Stercoraire, réveillé en sursaut, voulut se mettre à l'abri en se réfugiant sous terre. Mais il n'y réussit pas. L'eau tombant par torrents l'entraîna, le roulant tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre. Impossible de déployer ses ailes. C'était une forte épreuve pour son orgueil. Enfin, il heurta contre un caillou et il put s'y accrocher. Le temps devint un peu moins mauvais. À force de clignoter, le scarabée fit partir une goutte d'eau qui lui couvrait les yeux. Il vit briller quelque chose de blanc. C'était une pièce de toile étendue sur la pelouse pour blanchir. Il alla se réfugier dans un pli de la toile mouillée. On n'y était pas si bien que dans le chaud fumier de l'écurie, mais il n'y avait pas de choix. La pluie reprit et dura toute la nuit. Enfin, elle cessa vers le matin et le Stercoraire sortit de la toile, jurant fort contre le climat du pays. Sur la même toile se trouvaient des grenouilles. Elles, au contraire, étaient toutes joyeuses. Leurs yeux brillaient de contentement. « En voilà un temps superbe !» dit l'une. « Quelle fraîcheur ! Et cette toile qui retient si bien l'eau, j'en ai presque à mi-corps. Quel délice !»« Oui, » dit l'autre, « je voudrais bien savoir si l'hirondelle, qui vole jusqu'en des pays lointains, a trouvé dans ses nombreux voyages un climat plus agréable que le nôtre. Quelle douce humidité ! Je me sens aussi bien que dans une mare. nous pouvons vraiment être fiers de notre pays. Que diriez-vous donc si vous aviez été dans l'écurie de l'empereur ? Interrompit le Stercorer. Là aussi, l'air est humide et de plus il est parfumé. J'aurais beau voyager aussi loin que l'hirondelle, nulle part, je crois, je ne retrouverais un pareil climat. Dites-moi donc, ne connaissez-vous pas, dans ce jardin, un bon tas de fumier ou une couche de melon, où des personnes de qualité comme moi puissent aller loger ? Les grenouilles ne le comprirent pas ou ne voulurent pas se donner la peine de répondre. « Je ne demande jamais deux fois, » dit-il, après avoir en vain répété trois fois sa question. Il s'en alla un peu plus loin. Il rencontra un pot de fleurs cassé que la négligence du jardinier avait laissé traîner à la grande joie de plusieurs familles de perce-oreilles qui avaient établi leur domicile. Pendant que les jeunes perce-oreilles badinaient et frétillaient, les mères se vantaient l'une à l'autre les grâces de leur progéniture. « Si vous saviez, » disait l'une, « comme mon fils est sage, comme il se conduit bien, et avec cela il est si aimable. Il est certes destiné à arriver un jour jusqu'à l'oreille d'un évêque. Le mien, dit une autre, n'est sorti de l'œuf qu'hier. Voyez comme il se tortille, comme il fait des bonds. Quel feu, quelle vivacité, n'est-ce pas, monsieur le scarabée ? Oui, oui, vous avez raison, toutes deux, dit-il pour ne pas faire de jalouse. Car étant plus ou moins de la cour impériale, il avait appris qu'il faut flatter les amours propres. On le pria d'entrer. « Voyez donc aussi mes petits !» s'écrièrent les autres mères. « Sont-ils assez gentils, les petits lutins ? Comme ils se trémoussent ! C'est un plaisir de les regarder folâtrer !» Et les petites perce-oreilles accoururent autour du scarabée et se mirent à lui chatouiller familièrement les antennes avec leurs pinces. « Ce sont de jolis amours, n'est-ce pas ?» dirent les mères en se rengorgeant. Le Stercorer trouva ses manières inconvenantes et irrespectueuses et il demanda s'il n'y avait pas dans le voisinage quelque tas de fumier. « Dans le voisinage, non, » répondit une des perce-oreilles qui avait beaucoup voyagé. « Mais bien loin, à droite du fossé que vous voyez là-bas, il y en a un. J'espère bien qu'aucun de mes enfants n'ira jamais jusque-là. Je serai trop en peine de le savoir à une telle distance. »« Moi, la distance ne m'effraye pas, » dit le scarabée. Il s'en alla sans prendre congé, non pas tant par morgue que pour se conformer aux usages de la cour copiés sur la mode française. Près du fossé, il trouva plusieurs stercoraires qui lui souhaitèrent la bienvenue. « C'est ici que nous demeurons, » dirent-ils. « Nous sommes très bien. Cela vous serait-il agréable de passer quelque temps auprès de nous, dans cette vase, bien grasse ? Vous paraissez un peu fatigué. » « En effet, » dit-il, « je puis même convenir que le voyage m'a harassé. J'ai été à la pluie, elle m'a nettoyé à fond et la propreté est contraire à ma constitution. Puis sous un pot de fleurs, j'ai été exposé à un courant d'air qui m'a donné un rhumatisme dans l'aile gauche. Mais rien que de me trouver au milieu de vous, cela me remet déjà. C'est un grand bonheur que de frayer avec ses semblables, surtout quand on appartient à la noble race des stercoraires. Est-ce que vous habitez un tas de fumier ou une couche de champignons ? Demanda le plus âgé des scarabées. « Oh non, » répondit l'autre, « je viens d'un endroit bien plus distingué, de l'écurie de l'empereur. J'y suis né avec des souliers d'or. Je ne les porte pas en ce moment parce que mon maître m'a envoyé en mission secrète. Ne me faites pas de questions sur ce point, je ne trahirai pas la confiance de l'empereur. » Il suivit la société dans la vase. On le reçut avec de grands honneurs. On lui proposa de se fiancer avec une des filles de la maison. Il accepta, mais en parole seulement, il ne voulait pas se mésallier, et il s'esquiva la nuit. Dans le fossé, il rencontra une flaque d'eau. Il s'embarqua sur une feuille de chou qui fut longtemps ballottée par le vent. Enfin, vers le matin, elle fut poussée contre la terre ferme, et le scarabée se mit à grimper le versant du fossé et arriva dans une avenue. Il fut aperçu par deux personnes, un vieux monsieur et un jeune garçon. Ce dernier le ramassa, le tourna et retourna dans sa main, et se mit à parler fort savamment sur les stercoraires et les scarabées en général. « Ah là, » dit-il, « vois le noir stercoraire au fond de la plus profonde vase. N'est-ce pas ainsi que s'exprime le Coran ?» Il prononça ensuite le nom latin de notre insecte et exposa toutes ses habitudes, son genre de vie. Le vieux monsieur, qui était un naturaliste, parla aussi, mais avec bien moins de pédanterie que son jeune compagnon. « Si nous l'emportions, » dit-il, pour l'étudier à notre aise à la maison. Mais nous en avons déjà des exemplaires tout aussi beaux. fit observer l'autre. Le stercoraire vit là une grosse impertinence, et il s'envola aussitôt de la main du prétentieux Blanc-Bec, comme il appelait le jeune garçon. Il arriva près d'une serre où il flaira des émanations délicieuses de fumier. Les fenêtres étaient ouvertes, il entra et trouva en effet une couche de fumier tout frais. Il s'y enfonça avec volupté. Il s'endormit et rêva que le cheval favori de l'empereur était mort après lui avoir légué ses fameux fers en or pur. Il finit par se réveiller et sortit pour se reconnaître un peu. La serre était magnifique. De hauts palmiers et d'autres arbustes rares formaient un dôme de verdure sous lequel brillaient d'un merveilleux éclat des touffes de fleurs rouges comme le feu, jaunes comme l'ambre, blanches comme la neige. « L'aspect de ces lieux n'est pas désagréable, » dit le stercoraire, « mais ce sera bien plus beau quand toute cette végétation pourrira. Quel délice alors de s'y rouler! Vraiment, je m'établirai bien ici. Cependant, je n'aimerais pas y être seul de ma race. Voyons donc si je ne trouve pas quelques braves scarabées auxquels je puisse faire apprécier les hautes qualités dont je suis justement fier. » Il se mit à se promener de droite et de gauche. Voilà qu'il se sent tout à coup saisi et enlevé. C'était le jeune fils du jardinier qui, étant entré dans la serre avec un camarade, l'avait aperçu et voulait s'en amuser comme d'un jouet. Il l'enveloppa dans une grande feuille et le fourra dans sa poche. Le scarabée se démena et joua des pattes, mais il reçut un bon coup qui l'étourdit pour le moment. Les deux gamins coururent vers un étang. Ils prirent un vieux sabot qui traînait par là, y placèrent un petit bâton en guise de mât et y attachèrent le stercoraire avec un bout de laine. Après quoi ils lancèrent l'embarcation à l'eau. L'étang était assez grand. Le stercoraire crut que c'était le fameux océan Atlantique dont il avait parfois entendu parler. Il en fut si saisi qu'il tomba la renvers sur le dos et il eut beaucoup de peine à se remettre sur ses pattes. Le vent repoussa le sabot vers la terre. Le stercoraire sentait son effroi se calmer, mais les mauvais garnements retroussèrent leurs pantalons et, entrant dans l'eau, relancèrent le petit navire au large, de même qu'ils le ramenaient quand il s'avançait trop vers le milieu de l'étang. Ils se réjouissaient fort des angoisses où ils supposaient bien que devait se trouver leur victime. Voilà que tout à coup, on les rappela à la maison. Ils abandonnèrent le scarabée à son malheureux sort et rentrèrent chez eux. Le vent changea et entraîna le sabot de plus en plus vers le milieu de la pièce d'eau. Le scarabée essaya de s'envoler, mais il était trop bien attaché pour pouvoir se dégager. Une libellule vint à passer et se reposa sur le petit bâton. « Qu'il fait beau aujourd'hui, » dit-elle. « Comme vous êtes bien là, doucement balancé sur l'onde, permettez que je vous tienne un peu compagnie. »« On voit bien, mademoiselle, » répliqua-t-il d'un ton bourru, « que vous êtes aussi légère et étourdie d'esprit que de tenue. » « Il n'y a que vous au monde pour ne pas s'apercevoir que je suis un infortuné prisonnier. »« Alors, » dit-elle, « vous ne devez pas être d'une conversation récréative. » Et elle s'envola. « Enfin, » pensa le stercoraire, « si mon voyage n'a pas été heureux, j'aurais du moins appris à connaître le monde. Quelle horreur! Quelle turpitude on y rencontre partout! Comme je m'y trouve fourvoyé! De quelle façon indigne l'on m'a traité jusqu'à ce jour! » Et pendant que je me morfonds ici, le cheval de l'empereur se pavane avec ses souliers d'or. C'est ce qui me pique le plus. Quant au propos de cet effronté qui vient de me narguer tout à l'heure, il m'est facile de les mépriser. Ma vie est très accidentée. Que d'aventures j'ai éprouvées! Elle serait intéressante à mettre par écrit, mais qui les racontera jamais? Du reste, le monde est indigne de les connaître. Conçoit-on que des palefreniers m'aient refusé des souliers d'or? Si je dois périr sur cette mer, une chose me consolera, c'est que ce monde ingrat aura perdu son plus bel ornement. Mais il ne devait pas périr. Arriva une barque où se trouvaient plusieurs jeunes filles. L'une d'elles aperçut le sabot, une autre vit le pauvre scarabée. La barque approcha, les jeunes filles prirent le sabot et avec des ciseaux coupèrent le fil de laine qui attachait le prisonnier. Arrivées à terre, elles posèrent le stercoraire dans l'herbe en chantant « Grimpe, grimpe, vole, vole, la liberté est le plus précieux des biens !» Le stercoraire ne se le fit pas dire deux fois. Il s'élança dans l'air et, dans un transport de joie, fit une course folle. Enfin, harassé, il entra par la fenêtre d'un grand bâtiment et vint tomber, épuisé, sur la longue, fine et douce crinière du cheval favori de l'empereur, dans l'écurie qu'il avait quittée naguère. Il resta là quelque temps avant de reprendre ses sens. Enfin, il reconnut où il était et s'écria « Tiens, me voilà sur le cheval favori de l'empereur. Je m'y tiens, ma foi, aussi fièrement que Sa Majesté elle-même. Mais une idée me vient. Pourquoi ce cheval reçoit-il des fers en or pur ?» me demandait l'autre jour le maréchal. Je ne le savais pas alors, mais aujourd'hui je vois bien que c'est pour qu'il puisse me faire honneur, lorsque par hasard la pensée me prend de monter dessus. Le Stercoraire se sentit rempli de joyeuse satisfaction. « Voilà ce que c'est de voyager, » se dit-il. « On a bien par-ci, par-là, quelques mésaventures, mais on revient avec l'esprit plus ouvert. » Ici se termine le Stercoraire de Hans Christian Andersen, enregistré par Christiane Johann.